Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 16 courant un message de félicitations au président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion du 56e anniversaire de la proclamation de la République du Mali. Le destinataire s'est exprimé convaincu du développement continu des rapports d'amitié et de coopération bilatéraux de longue histoire et de longue tradition entre les deux pays et a souhaité succès dans les affaires du président et du peuple malien pour la paix, la stabilité et le développement socio-économique du pays.